Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 83, durée de l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie est appelée l'immolation du Christ, du temps et de l'heure où il convient de célébrer? Pour quel motif on consacre les objets qui servent à ce sacrement? Explication des prières et des cérémonies de la messe. Moyen d'obvier aux accidents. 1. Le Christ est-il immolé dans la célébration du sacrement de l'Eucharistie? Immolé une seule fois en lui-même, dit très bien saint Augustin, le Christ est immolé tous les jours sacramentellement. Deux raisons font appeler le sacrifice de la messe l'immolation du Christ. D'abord, la coutume où nous sommes de donner aux images le nom des choses ou des personnes qu'elles représentent. Ainsi, en présence d'un tableau ou d'une fresque, nous disons, c'est Cicéron, c'est Salluste. La messe étant l'image et la représentation du sacrifice dans lequel le Christ fut immolé d'une manière sanglante, nous l'appelons avec raison l'immolation du Christ. La victime toute puissante, disait saint Ambroise, n'a été offerte qu'une fois dans la personne du Christ, pour notre salut éternel. Que faisons-nous donc? Est-ce que nous l'offrons encore tous les jours? Oui, en mémoire de sa mort. La seconde raison pour laquelle nous appelons la célébration de ce mystère l'immolation du Christ, c'est que la messe nous applique les fruits de la passion, ainsi que nous l'enseigne l'Église dans l'une de ses oraisons, où elle dit, toutes les fois que nous célébrons la mémoire de cette victime sainte, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Note. Jésus-Christ, dira-t-on, a rendu parfait pour toujours, par une seule oblation, ceux qui l'a sanctifié. Hébreux 10, pourquoi donc est-il immolé dans la célébration de l'Eucharistie? Saint Ambroise répond, il n'y a qu'une même hostie offerte sur la croix et sur l'autel. Cette hostie, c'est le Christ, qui ne s'est offert qu'une seule fois. Il n'y a aussi qu'un seul et même sacrifice, celui du calvaire, dont le sacrifice de l'autel est la reproduction. Parce que le Christ n'a qu'un seul corps qui a été offert sur la croix et il est encore sur l'autel. Dans ce sacrifice, image représentative de la passion du Sauveur, l'autel est la figure de la croix sur laquelle le Christ a été immolé dans son propre corps. Le prêtre y représente Jésus-Christ, en la personne et par la vertu duquel il prononce les paroles de la consécration, et, de la sorte, le Christ lui-même est tout à la fois le sacrificateur et la victime. Fin de la note. 2. Le temps de la célébration de la Sainte Messe a-t-il été convenablement déterminé? Entre ceux qui ont prétendu que la mémoire de la Passion ne doit être célébrée qu'une fois l'année, et ceux qui soutiendraient que les prêtres doivent la célébrer plusieurs fois le jour, l'Église a sagement décidé qu'il convient d'offrir le saint sacrifice de la messe une fois tous les jours. Elle s'est appuyée sur ce principe que, nos fautes étant journalières, nous avons besoin de recueillir tous les jours les fruits de l'Eucharistie, conformément à cette prière que le divin maître nous a enseignée. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour ce qui est de l'heure où l'on doit célébrer le saint sacrifice, la passion s'étant accomplie de la troisième heure du jour à la neuvième, on peut, règle générale, choisir la partie du jour comprise entre 9h du matin et 3h du soir. Note. L'Église a changé sa discipline à l'égard de l'heure où l'on peut dire la messe. Elle a fixé le temps qui s'écoule depuis l'aurore jusqu'à midi. Le jour de Noël, toutefois, il est permis de célébrer trois messes, pour honorer la triple naissance de notre Seigneur, à savoir, sa naissance éternelle dans le sein de son Père, sa naissance spirituelle dans nos âmes, et enfin sa naissance temporelle en ce monde. La nécessité seule pourrait autoriser à dire deux messes les autres jours, l'une pour les morts, l'autre pour la fête célébrée dans l'Église. Quoique Jésus-Christ ait consacré et distribué le divin mystère après la scène, vers la fin du jour, on doit dire la messe aux heures de la Passion, et notamment le matin, mais de jour, et non pendant la nuit. Le jour commence au lever de l'aurore. La défense de célébrer avant l'aurore, dit très bien Monseigneur Gousset, doit se prendre dans un sens moral et non dans une rigueur mathématique, de manière que le prêtre qui commence la messe pendant la nuit, mais la finit quand l'aurore commence, ne peut être regardé comme transgresseur de la loi. Il en est de même de celui qui commence la messe un peu avant midi, il n'est point en défaut. Il n'y a ici matière grave que tant qu'on commence la messe, sans raison légitime, une heure avant ou une heure après le temps où il est permis de la commencer, à s'en tenir à l'explication qu'on vient de donner. La défense de dire la messe avant l'aurore et après-midi admet plusieurs exceptions. On excepte, premièrement la messe qui se dit à minuit le jour de Noël, deuxièmement le cas où il faut consacrer pour administrer le Saint Viatique à un malade. Troisièmement, le cas d'une solennité extraordinaire ou de quelque cérémonie publique qui force à renvoyer après-midi la messe que l'on a coutume de dire à l'issue de la messe paroissiale. Quatrièmement, la dispense de l'évêque pour des cas particuliers. Cinquièmement, une coutume tacitement approuvée, ce qui a lieu dans plusieurs diocèses. Fin de la note. 3. Le sacrifice de la messe doit-il être célébré dans un édifice et avec des vases consacrés? Les objets qui servent la célébration du sacrifice eucharistique devant représenter ce qui s'est passé dans la Passion de Jésus-Christ et nous porter à environner de notre respect et de nos hommages ce divin mystère où notre Seigneur est contenu. En réalité, l'Église les consacre avec raison, pour leur concilier la vénération des fidèles et afin qu'ils soient un signe de la sanctification qui découle de la Passion du Rédempteur. Note. Qu'aucun prêtre, porte le droit canon, n'ose dire la messe hors des lieux que l'évêque a consacrés. En cas de nécessité, cependant, par exemple dans les déserts, un prêtre peut dire la messe en plein air ou sous une tente, pourvu qu'il ait un autel portatif ou du moins une pierre sacrée, avec les autres objets nécessaires. Tout autel que l'on destine à la consécration doit être de pierre. Les calices doivent être d'or, d'argent ou d'étain, le corporal, d'un lin pur. L'Église ne croit pas que de tels objets inanimés puissent recevoir la grâce, mais, en les consacrant, elle veut leur imprimer une vertu spirituelle qui, les dédiant au service de Dieu, inspire la dévotion aux fidèles. Fin de la note. 4. Les paroles qui accompagnent la célébration du sacrement de l'Eucharistie ont-elles été convenablement réglées? Quand nous n'aurions que l'autorité de Saint Jacques, à qui fut confiée l'Église de Jérusalem, et celle de Saint Basile, évêque de Césarée, qui ont réglé la célébration de la messe, nous serions suffisamment assurés que l'on n'y récite rien que de convenable. Que l'Eucharistie se célèbre avec plus de solennité que les autres sacrements, cela doit être, elle est le résumé de tous les mystères de notre salut. Aussi a-t-elle d'abord sa préparation, qui est destiné à rendre digne tout ce qui doit suivre. La préparation de la messe a deux parties, la préparation elle-même, et l'instruction. La préparation elle-même comprend, l'introït, le kyrie, Le Gloria in Excelsis est l'oraison. L'introït contient la louange de Dieu, ordinairement tirée des psaumes. Le Kyrie nous rappelle les misères de la vie présente, il se répète trois fois en l'honneur de chacune des trois personnes de la Sainte Trinité. Le Gloria élève notre pensée vers la gloire du ciel, qui nous délivre de tous nos maux, on l'omet dans les offices de deuil, qui ont pour but de nous faire souvenir de notre misère. L'oraison se dit pour le peuple, afin que Dieu le rende digne de participer au Saint Mystère. L'instruction des fidèles forme la seconde partie de la préparation. Elle renferme l'épître, le graduel, l'alléluia ou le trait, l'évangile et le symbole. L'épître nous apprend la doctrine des prophètes et des apôtres, elle est chantée par les lecteurs ou par les sous-diacres. Le graduel rappelle les progrès que le chrétien doit faire dans la vie intérieure. L'alléluia exprime l'allégresse, il est remplacé, dans les offices de deuil, par le trait, où sont rendus les gémissements spirituels de l'âme. L'évangile, dont la lecture est faite par les diacres, vient compléter et perfectionner l'instruction du peuple. Le symbole est le témoignage de notre foi à la doctrine de Jésus-Christ, il se chante, après l'Évangile, dans les fêtes de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des apôtres et des autres saints qui ont fondé la foi. Le peuple ainsi préparé et instruit, le prêtre procède à la célébration même du divin mystère, qui, offert comme sacrifice, est consacré et pris comme sacrement. La célébration contient trois parties, l'oblation, la consécration, et la communion. L'oblation comprend, l'offertoire, la préface, le sanctus, la mémoire des vivants et des saints. L'offertoire exprime la joie du peuple qui fait l'offrande, il est accompagné d'une prière par laquelle le prêtre supplie Dieu de l'agréer. La préface est le prélude de la consécration, qui va être accomplie par une vertu surnaturelle, elle excite la dévotion du peuple, en l'avertissant d'élever son cœur en haut. Le triple sanctus, répété de concert avec les anges, publie hautement et avec dévotion la divinité de Jésus-Christ, dont cette autre acclamation des enfants de Jérusalem, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, exalte l'humanité. » La mémoire des vivants vient ensuite, le prêtre y prie pour l'Église universelle, pour les personnes constituées en dignité, pour tous les assistants, et spécialement pour ceux en faveur de qui le sacrifice est offert. La mémoire des saints commence par le mot communicante, le prêtre invoque leur protection en faveur de ceux qui viennent d'être recommandés, et il conclut par cette prière, que cette oblation soit donc salutaire à ceux pour lesquels elle vous est présentée. La consécration, précédé de la prière quam oblationem, dans laquelle le prêtre en demande d'avance les fruits, commence à ces mots, la veille de la passion. La consécration accomplie, le prêtre, s'excusant de sa présomption par le motif de son obéissance à l'ordre du Christ, dit, c'est pourquoi, Seigneur, nous souvenons de la passion du Christ, votre fils, etc. Puis, par cette autre prière, daignez regarder ses offrandes d'un œil propice, il sollicite les effets du sacrifice et du sacrement, premièrement pour ceux qui vont communier, quand il dit, supplice, etc. Deuxièmement pour les défunts, memento etiam, et spécialement pour les prêtres, qui sont aussi des pécheurs devant Dieu, nobis quoque peccatoribus. La réception du sacrement, ou la communion, commence au pater, Elle renferme l'oraison dominicale, l'Agnus Dei ou la paix, et la communion. Le Pater, prière commune à tout le peuple, est suivi d'une prière particulière du prêtre pour tous les assistants. L'Agnus Dei ou la paix sert, comme le Pater, de préparation à la réception du sacrement. Le prêtre communie d'abord, et fait ensuite communier les fidèles. Celui qui transmet aux autres les choses divines doit y participer le premier. La messe se termine par la post-communion, où le peuple exprime la joie qu'il éprouve d'avoir reçu le sacrement, ce dont le prêtre rend aussi grâce à Dieu dans une oraison, imitant notre Seigneur qui récita une hymne après avoir célébré la scène avec ses disciples. Note. Ce qui regarde toute l'Église et le peuple chrétien est chanté par le chœur, le Gloria in Excelsis et le Credo, où sont contenues les vérités qui arrivent au peuple par la révélation divine, sont entonnées par le prêtre et continuées par les fidèles. Les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament sont chantés par les ministres de l'Église, pour montrer que Dieu les a donnés par ses envoyés. Le prêtre, dont la fonction propre est, selon l'expression de saint Paul, d'offrir des présents et des prières pour le peuple, récite à haute voix les oraisons qui lui sont communes avec les assistants, et à voix basse les prières de l'oblation et de la consécration, qui le concernent seul. De temps à autre, le Dominus Vobiscum réveille l'attention du peuple, ainsi que les mots Per omnia secula seculorum, qui terminent les prières prononcées à voix basse. Bien que la consécration ne soit opérée que par les paroles de Jésus-Christ, il a été nécessaire d'en ajouter d'autres pour exciter la dévotion du peuple et le préparer à la réception du sacrement. Saint Jean nous apprend que notre Seigneur a fait et dit beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans l'Évangile. Ainsi, par exemple, les évangélistes n'ont pas rapporté qu'il leva les yeux au ciel dans la dernière scène, mais l'Église le sait par la tradition apostolique. Le peuple envoie par le prêtre ses prières à Dieu, et le prêtre envoie, mitit, les siennes et celles du peuple par l'ange du grand conseil, qui est Jésus-Christ, victime qui nous a été envoyée de Dieu, missa. De là ces mots, ite missa est, que le diacre prononce en congédiant le peuple, de là aussi le nom de messe donné au sacrifice de l'Eucharistie. Fin de la note. 5. Les cérémonies de la messe sont-elles convenables? L'Église, qui pratique ces cérémonies, ne peut errer, elle est assistée du Saint-Esprit. Afin que la signification des sacrements soit mieux comprise, les paroles et les actions y expriment une même chose. Si donc les paroles qui accompagnent la célébration de la messe se rapportent ou à la passion du Christ qui y est représentée, ou à son corps mystique dont le sacrement de l'Eucharistie est le symbole, ou enfin à l'usage même de l'Eucharistie que l'on doit recevoir avec dévotion et respect, les cérémonies que l'on y pratique doivent aussi représenter la passion du Christ, signifier son corps mystique, ou, enfin, exciter la dévotion et le respect des fidèles à l'égard de l'Eucharistie. Note. En les examinant en détail, nous allons en apprécier la convenance. Premièrement, le prêtre, à l'autel, lave ses mains par respect pour le sacrement, que l'on ne doit pas toucher avec des mains souillées. Cette cérémonie symbolise la parfaite purification de l'âme, déjà signifiée par la confession qui précède l'introïte. Deuxièmement, les encensements représentent l'effet de la grâce qui, avec une bonne odeur, découle de Jésus-Christ en nous par l'office de ses ministres. Troisièmement, Les signes de croix qui précèdent la consécration ont pour but de représenter les diverses circonstances de la passion du Sauveur, terminée par le supplice de la croix. Par exemple, les cinq signes de croix que le prêtre fait à ces mots, Ostiam puram, etc., rappellent les cinq plaies de notre Seigneur. Quatrièmement, les signes de croix qui suivent la consécration se font pour marquer la vertu de la croix, et non pas pour bénir ou consacrer. Cinquièmement, quand le prêtre étend les bras, joint les mains, plie les doigts ou s'incline, il représente toujours quelque mystère. Étendit-il les bras, il rappelle que ceux du Christ l'ont été sur la croix. Élève-t-il les mains pendant les oraisons, il marque que, comme Moïse, il s'adresse à Dieu en faveur du peuple. Joint-il les mains en s'inclinant, cette attitude humble et suppliante est l'image de l'humilité de Jésus-Christ et de son esprit d'obéissance. Sixièmement, le prêtre se tourne cinq fois vers le peuple, en mémoire des cinq apparitions de notre Seigneur le jour de sa résurrection. Il salue sept fois les assistants, cinq fois en se tournant vers eux, et deux fois sans se retourner. Ces salutations nous rappellent que le Saint-Esprit nous communique sa grâce sous la forme des sept dons. Septièmement, la fraction de l'hostie signifie tout à la fois la division du corps de Jésus-Christ dans la Passion, la distinction de son corps mystique en différents états, et la répartition des grâces de sa Passion. Huitièmement, la partie de l'hostie mise dans le calice représente son corps ressuscité et son union avec son corps mystique. La partie qui reste sur l'autel symbolise ce même corps placé dans le tombeau. La partie que l'on mange signifie les voyageurs de la terre, brisés par la souffrance. Neuvièmement, le prêtre se lave la bouche et les doigts avec du vin et de l'eau après la communion, par respect pour le sacrement qu'il vient de recevoir. Fin de la note. 6. Les statuts de l'Église obviennent-ils suffisamment aux inconvénients qui peuvent se présenter dans la célébration de la messe? Il y a deux manières de pourvoir aux défauts qui touchent à l'Eucharistie, s'efforcer de les prévenir, et les réparer, soit en remédiant à ce qui est arrivé, soit en faisant pénitence de la négligence dont on s'est rendu coupable. Note. Premièrement, si un prêtre est frappé de mort ou atteint d'une grave infirmité après la consécration, soit avant celle du sang, soit après, un autre prêtre doit achever de célébrer la messe. Deuxièmement, celui qui, après la consécration, se rappelle avoir pris quelque aliment, doit néanmoins continuer le sacrifice et communier. Celui qui se souvient alors qu'il a commis un péché grave ou qu'il est excommunié, doit s'exciter à la contrition et se proposer de demander l'absolution de son péché, mais, s'il se rappelle ces choses avant la consécration, il me paraît plus sûr pour lui, surtout s'il s'agit de la rupture du jeûne ou de l'excommunication, de cesser la messe commencée, à moins qu'il ne doive s'en suivre un grave scandale. Troisièmement, un animal tombe-t-il dans le calice après la consécration, il faut le retirer, le brûler et en jeter les cendres dans la piscine. Le prêtre qui reconnaît que le vin consacré contient du poison ne doit pas le prendre, de peur que le calice de la vie ne devienne le calice de la mort. Il le mettra dans un vase convenable, que l'on déposera avec les reliques, et, après avoir mis d'autres vins dans le calice, il achèvera le sacrifice, en reprenant la messe à la consécration du sang. Quatrièmement, le prêtre s'aperçoit-il après la consécration que le calice contient de l'eau à la place du vin, il doit, S'il n'a pas encore pris le corps de notre Seigneur, ôter l'eau du calice, y mettre du vin et de l'eau, puis reprendre aux paroles de la consécration du sang. Dans le cas où il aurait consommé le corps du Sauveur, il devrait employer une seconde hostie et la consacrer avec le sang, parce que les paroles qui suivent la consécration du sang n'ont leur application que tant qu'une hostie consacrée est sur l'autel. Il prendrait alors avec le sang la seconde hostie consacrée, eût-il pris auparavant l'eau qui était dans le calice. La consommation du sacrement l'emporte sur le précepte du jeûne. Cinquièmement, quand un prêtre ne se rappelle pas clairement s'il a prononcé certaines paroles ou croit avec probabilité les avoir omises, nous ne pensons pas qu'il soit à propos de les répéter et de changer ainsi l'ordre du sacrifice. Il doit continuer, à moins que, dans les paroles même de la forme de la consécration, il ne soit certain d'avoir passé celles qui sont nécessaires à la validité du sacrement. Sixièmement, le prêtre qui, par négligence, laisserait tomber à terre ou sur la nappe une goutte du précieux sang, devrait la recueillir avec la bouche et faire pénitence de sa faute, selon les cinq canons. Septièmement, enfin, on doit conserver soigneusement les saintes hosties et prendre garde qu'aucune ne se corrompe. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.